Le féminisme pendant la Révolution française par François-Alphonse Olard. Le mot de féminisme fut aussi inconnu aux hommes de la Révolution que le mot de socialisme et tant d'autres ismes, dont la création date de l'époque où, certaines conditions sociales se modifiant ou s'aggravant, il fallut un vocable nouveau pour désigner chaque doctrine inventée pour corriger ces conditions. Mais aucune doctrine sociale n'est absolument nouvelle. Et si le mot de féminisme est né d'hier, l'idée d'émanciper les femmes devait naturellement paraître et parut en effet quand s'élaborait l'idée d'émanciper l'humanité. Le XVIIIe siècle a formulé presque tous les problèmes sociaux selon la raison, et c'est pour cela que nous avons la naïveté de le trouver grand. Quand posa-t-il celui du rôle de la femme dans la cité nouvelle? C'est un sujet que je ne prétends pas aujourd'hui traiter à fond, mais sur lequel je voudrais proposer quelques notes de lecture et d'étude. Le féminisme ne fut pas, pour les penseurs du XVIIIe siècle, un de ces objets de discussion et de prédication sur lesquels ils concentraient l'effort de leur génie. L'orgueil masculin les détourna pour la plupart de défendre les droits des femmes, en même temps que l'esprit de justice qui régnait alors les empêchait de les contester absolument. Il y a cependant, dans quelques écrits d'alors, des revendications féministes, il y eut au moins un penseur, grand parmi les plus grands, qui demanda que les femmes fussent traitées avec un esprit de fraternité et de justice. Condorcet, en 1788, traçant un plan de réforme politique et sociale, demanda publiquement que les femmes participassent à l'élection des représentants. Par ce moyen, dit-il, les femmes ne seraient pas privées du droit de cité, privation contraire à la justice, quoique autorisée par une pratique presque générale. Les raisons pour lesquelles on croit devoir les écarter des fonctions publiques, raisons qu'il serait d'ailleurs aisé de détruire, ne peuvent être un motif de les dépouiller d'un droit dont l'exercice serait si simple et que les hommes tiennent non de leur sexe, mais de leur qualité d'être raisonnable et sensible qui leur est commune avec les femmes. On voit que l'héritier des encyclopédistes allait tout de suite jusqu'au bout de la thèse féministe et qu'il demandait que les femmes fussent égalées aux hommes, non seulement pour les droits civils, mais pour les droits politiques. Ne voit-il pas de l'accuser de radicalisme abstrait et chimérique. Il partait d'un fait réel, fort oublié aujourd'hui. Si en effet le régime féodal tenait la femme en esclavage quant aux droits civils, si elle n'avait avant 1789 presque aucune existence civile, il se produisait dans cet étrange chaos de contradictions qu'était l'ancien régime, ce phénomène que la femme, aujourd'hui si complètement exclue de la cité politique, y était alors admise partiellement, et par une des conséquences indirectes de ce même régime féodal qui la servissait. Ainsi, les femmes propriétaires d'un fief étaient admises à jouer un rôle dans le système électoral des assemblées provinciales et municipales, et quand les États généraux furent convoqués, des femmes participèrent à l'élection d'une partie des députés. Les femmes possédant divisément, disait le règlement royal du 24 janvier 1789, article 20, les filles et les veuves, ainsi que les mineurs, jouissant de la noblesse, pourvu que lesdites femmes, filles, veuves et mineurs possèdent des fiefs, pourront se faire représenter par des procureurs pris dans l'ordre de la noblesse. Et l'article 12 du même règlement autorisait les corps et communautés ecclésiastiques rentées, réguliers des deux sexes, ainsi que les chapitres et communautés de filles, à se faire représenter par député ou procureur dans les assemblées où le clergé fut élu. Il arriva donc que des députés de la noblesse et du clergé aux États généraux de 1789 durent leur élection à des voix féminines. Ainsi, l'idée d'admettre toutes les femmes à l'exercice du droit de suffrage politique était justifiée par une expérience partielle, et il put ensuite paraître tout naturel et logique que cette admission fût présentée comme la conséquence de la destruction du régime féodal et de la Déclaration des droits. Lors de la convocation des États généraux et au début de la carrière de l'Assemblée constituante, il y eut un premier et assez vif mouvement féministe qui se manifesta par des brochures et des pétitions. Cahiers des doléances et réclamations des femmes, requêtes des femmes aux États généraux, pétitions des femmes du tiers-État au roi, requêtes des dames à l'Assemblée nationale, motions adressées à l'Assemblée nationale en faveur du sexe, etc. Ces écrits ont été analysés par M. Chassin dans son Génie de la Révolution et par M. Amédée Lefort dans son petit livre sur le socialisme pendant la Révolution, publié l'un et l'autre en 1863. Ce ne sont point, en général, des réclamations radicales,

de tout ce qui se décide d'après la justice rigoureuse, d'après des lois positives, les choses dont elles s'occupent, sur lesquelles elles agissent, sont précisément celles qui se règlent par l'honnêteté naturelle et par le sentiment. Il est donc injuste d'alléguer, pour continuer de refuser aux femmes la jouissance de leurs droits naturels, des motifs qui n'ont une sorte de réalité que parce qu'elles ne jouissent pas de ces droits. Si on admettait contre les femmes des raisons semblables, bientôt, de proche en proche, on ne permettrait d'être citoyen qu'à des hommes qui ont fait un cours de droit public. L'obligation où sont les femmes de s'occuper de leur ménage, de nourrir leurs enfants, peut être un motif de ne pas les préférer dans les élections, mais ce ne peut être le fondement d'une exclusion légale. Et il dit, en concluant, « Je demande maintenant qu'on daigne réfuter ces raisons autrement que par des plaisanteries et des déclamations, que surtout on me montre, entre les hommes et les femmes, une différence naturelle qui puisse légitimement fonder l'exclusion d'un droit. L'égalité des droits établie entre les hommes dans notre nouvelle constitution nous a valu d'éloquentes déclamations et d'intarissables plaisanteries. Mais personne n'a pu encore y opposer une seule raison, et ce n'est sûrement ni faute de talent ni faute de zèle. J'ose croire qu'il en sera de même de l'égalité des droits entre les deux sexes. » Ce vœu de Condorcet, d'être réfuté autrement que par des plaisanteries et des déclamations, ne fut pas exaucé. Je n'ai rencontré qu'une réponse en règle à son manifeste, et bien postérieure. C'est un article anonyme des Révolutions de Paris, en février 1791, intitulé « De l'influence de la Révolution sur les femmes ». L'auteur assure avoir reçu une quantité de lettres de femmes qui réclamaient leurs droits et disent « Jadis, chez les Gaulois, nos bons aïeux, les femmes avaient, aux états de la nation, voix délibérative. Elles y votaient tout comme les hommes et les choses n'allaient pas plus mal. » Mais, d'après le journaliste, l'influence politique des femmes a toujours été mauvaise. Il rappelle la Dubarry et il montre Marie-Antoinette. Quant aux bourgeoises parisiennes, il leur reproche, le croirait-on, d'avoir, en juillet et en octobre 1789, mal supporté le spectacle des têtes coupées et fichées aux pointes des piques. Dans ce drame national, dit-il, les femmes du peuple se sont montrées citoyennes. Les autres ont fui ce spectacle mâle et imposant. Leur frêle organisation n'a pu le soutenir. Des évanouissements, des maux de nerfs, des délivrances avant terme indiquèrent dès lors quelle part ces femmelettes devaient prendre par la suite à cette grande crise politique. Il prétend, et comme c'est faux, qu'à la date où il écrit, en 1791, presque toutes les femmes au-dessus de la classe du peuple sont aristocrates. « Ce n'est pas étonnant, dit-il, les hommes étant trop occupés à la politique pour être aimables avec les femmes. » Les myrtes de l'amour s'enlacent difficilement avec le chêne civique, et s'adressant nommément à Condorcet, il lui assure que les agitations des tribunes ne conviennent pas du tout au second sexe. Cependant, il veut bien reconnaître aux femmes un droit politique. Lequel ? Celui d'aider les hommes à repousser l'ennemi, s'il envahit la France. « En ce cas, dit-il aux femmes, comme on peint les bacchantes échevelées agitant dans leurs mains le tirse menaçant, faites arme de tout pour repousser l'esclave devenu conquérant et lui faire payer cher ses premiers lauriers. Mettez tout en œuvre, la bravoure et la ruse, le fer et le poison. Corrompez les fontaines, les vivres, que l'atmosphère soit chargée de semences de mort. » C'est à se demander si, à la vue d'un Prussien, le garde national, auteur de cet article, ne se cachera pas derrière les jupes de sa femme. Sa conclusion est que la nature a fait les parts avec égalité et sagesse. Restez chez vous, mesdames, pendant que nous irons au forum. Voilà les raisons qu'on opposa, dans un des plus importants journaux d'alors, à la dialectique, si forte et si spirituelle, de Condorcet. Mais cette fois, les hommes ne purent, comme en 1789, obtenir de l'opinion un ordre du jour dédaigneux sur la question féministe. Le manifeste de Condorcet fit grand bruit. La question fut débattue dans les salons, dans les clubs, au cercle social. Ce cercle, fondé au Palais Royal par l'abbé Fauchet, devait être le lien d'une confédération des Amis de la Vérité, dans les cadres de la franc-maçonnerie. Le doux et éloquent abbé rêvait un socialisme chrétien. Mais comme ce dessein ne parut que plus tard, et qu'au début il assurait vouloir fonder sa cité sur l'amour universel, tout le Paris intellectuel d'alors se pressa autour de cette tribune, d'où fut prêché, par les orateurs les plus divers d'esprit et de tendance, le grand idéal fraternel de 1789. comme c'était toute l'humanité qu'il s'agissait d'unir par un lien d'amour, les femmes furent admises au cercle social et y affluèrent. Je vois que, dès le 31 octobre 1790, la question féministe fut traitée à cette tribune. Mais on parut d'abord hostile, et un orateur y dit « Le trône d'une femme est au milieu de sa famille. Sa gloire est dans la gloire des enfants qu'elle a élevés pour l'État. » Cornélie n'était ni sénateur, ni consul, ni général des armées de Rome. Elle était la mère des Gracques. Cependant, un mois plus tard, à la fin de novembre 1790, un monsieur Rousseau osa parler au cercle social en faveur du droit des femmes. On l'interrompit avec violence. Alors, d'après le journal L'Orateur du Peuple, une dame étrangère, remarquable par sa taille avantageuse, prit la parole et demanda, au nom de la galanterie française, que l'orateur pût continuer. On l'applaudit, mais la séance fut levée. « C'est alors, dit le journaliste, que notre étrangère s'est vue environnée, caressée et remerciée de presque toutes les citoyennes présentes. Elle a saisi cette circonstance pour leur dire, d'un ton plein d'élévation, « Vous avez été, jusqu'à présent, les compagnes d'hommes énervés de sentiments, d'esclaves corrompus. Puisque les Français sont devenus des Romains, imitons les vertus et le patriotisme des dames romaines. » À ces mots, on l'embrasse, on veut l'élire présidente, mais sa modestie se dérobe à leurs empressements. Les dispositions du cercle social à l'égard des femmes changèrent bientôt, sans doute par l'influence de Condorcet, qui était membre au cercle, et c'est là qu'il se fera, quelques mois plus tard, le défenseur du système républicain, et aussi par le fait de la présence de tant de femmes. L'étrangère à la taille avantageuse, que nous avons vu intervenir en novembre 1790, c'était probablement la Hollandaise Etta Palm, née Elders. Elle reparut à la tribune du cercle le 30 décembre 1790 et prononça un grand discours que nous avons sur l'injustice des lois en faveur des hommes au détriment des femmes. En assez mauvais français, elle disait qu'elle consultait plutôt son cœur que le dictionnaire de l'Académie, Madame Elders demanda que les femmes ne fussent plus esclaves. Condorcet intervint-il, nous ne savons, nous n'avons pas de compte-rendu suivi des séances du cercle social, mais ce qui est sûr, c'est que le cercle se sentit alors converti au féminisme, puisqu'il fit imprimer le discours de l'oratrice et l'envoya à diverses municipalités, entre autres à celle de Creil, qui décerna à Madame Elders le titre de membre honoraire de sa garde nationale avec la cocarde et la médaille. Ces insignes lui furent remis solennellement en séance du cercle social, avec échange de discours analogues à la circonstance, comme on disait alors. « La médaille que vous m'avez décernée, s'écrit Madame Elders, sera l'épée d'honneur qui couvrira mon cercueil. » Une femme, membre honoraire de la garde nationale, cela fait sourire aujourd'hui. Cela semblait naturel alors. On sait que plus tard, en temps de guerre, entre 1792 et en 1793, il y eut quantité de femmes, et non pas seulement les demoiselles Fernig, qui s'enrôlèrent sous l'habit masculin et servirent bravement dans les armées françaises. D'autres, en 1789, avaient énergiquement aidé les hommes dans leur besogne révolutionnaire, et en 1790, la Commune décora de médailles beaucoup de citoyennes de Paris. Ces médaillées se présentèrent à la barre de l'Assemblée nationale, le 10 janvier 1791, pour y prêter le serment civique en leur nom et en celui de leurs enfants. Il y eut, en 1790, des bataillons d'Amazones. Ainsi, à Bic-en-Bigorre, les femmes s'organisèrent militairement et l'Assemblée nationale leur décerna la mention honorable le 20 novembre 1790. Parmi ces femmes citoyennes, il y en a qui sont féministes, comme Palm Elders, et c'est la minorité. Il y en a, et c'est la majorité, qui se bornent à agir en hommes pour la patrie et la révolution. Un historien du féminisme devra retracer ce double mouvement. Les premières, les femmes féministes, sont souvent modestes dans leurs revendications. Ainsi, je vois que le 23 mars 1791, Madame Elders proposa au cercle social d'aller remercier l'Assemblée nationale d'avoir accordé aux femmes une existence civile. Et certes, cette existence civile était bien restreinte et c'était se contenter de peu. Madame Elders voudrait que, sous les auspices du cercle social, il se forma une société patriotique de citoyennes dans chaque section de Paris, en correspondance avec les sociétés de femmes des départements, et elle nous apprend qu'il s'en était déjà fondé à Creil, à Alais, à Bordeaux et dans plusieurs autres villes. une société de femmes surveillerait l'établissement des nourrices, les écoles de charité, ferait des enquêtes sur les indigents qui demandent des secours. Madame Elders fonda elle-même une société patriotique et de bienfaisance des Amis de la Vérité, mais sans succès. On commençait à se méfier d'elle. On l'accusait d'être à la solde de la cour de Prusse. Elle eut beaucoup de mal à se faire recevoir à la Société fraternelle des deux sexes, où Louise Robert l'avait suspectée dans sa personne et dans son patriotisme. Je n'ai point parlé de Théroigne de Méricourt ni d'Olympe de Gouges. Celle-là est connue grâce à M. Marcelin Pellet. Celle-ci le sera bientôt par le livre que prépare M. Léopold Lacour. C'est elle qui, en septembre 1791, rédigeant une déclaration des droits de la femme, fit cette belle antithèse. La femme a le droit de monter à l'échafaud. Elle doit avoir également celui de monter à la tribune. Et elle exerça l'un et l'autre droit, la pauvre Olympe de Gouges. Orateur de club, elle périt par la guillotine. Voilà pour les femmes féministes. Les autres, celles qui furent plus préoccupées d'agir en citoyennes que de revendiquer leurs droits, parurent sur la scène à partir de 1790 dans ces groupes que forma la belle tentative révolutionnaire d'association fraternelle de l'homme et de la femme. Je veux parler des sociétés fraternelles des deux sexes. Ces sociétés ne naquirent pas du féminisme, mais du mouvement démocratique anti-bourgeois. Elles sont une des formes des sociétés populaires créées à la fin de 1790 en antagonisme avec la politique bourgeoise du club des Jacobins afin de soutenir les revendications des prolétaires ou citoyens passifs en les associant aux citoyens actifs partisans de la réforme et de l'extension du droit de suffrage. C'est le club des Cordeliers, franchement démocrate, qui donna l'exemple. C'est autour du club des Cordeliers que se formèrent les sociétés populaires. Les unes n'admettaient que des hommes, et les autres, en plus grand nombre, admettaient les deux sexes. Leur but premier et avoué, c'est l'instruction du peuple. On réunit le soir, surtout le dimanche, des familles d'ouvriers pour leur lire la Déclaration des droits, les lois, leur faire un cours d'enseignement civique. Rien de plus simple au début. Une des sociétés fraternelles des deux sexes, celle qui s'installe dans le même couvent de Jacobins où siègent les Amis de la Constitution, est fondée en octobre 1790, semble-t-il, par un pauvre maître de pension, Claude Dansard. Il apportait chaque fois un bout de chandelle dans sa poche avec un briquet et de l'amadou. Quand la séance se prolongeait, l'assistant se cotisait pour avoir une autre chandelle. Ces humbles réunions ont, dès le début, une grande importance sociale, parce qu'elles réunissent en groupe fraternel des bourgeois et des prolétaires, des hommes et des femmes. Elles jouent bientôt un rôle politique parce qu'elles enseignent au peuple ses droits et popularisent l'idée du suffrage universel qui sera établi en août 1792. Bientôt, ce n'est plus le pauvre Dansard qui préside celle qui siège aux Jacobins. Ce sont des hommes politiques, Mithier, l'abbé Mathieu. Des femmes connues s'y font admettre. Madame Robert, née Keralio, journaliste et romancière. Madame Moite, de l'Académie de peinture. Madame Roland fait d'abord la dédaigneuse, elle raille les femmes qui se montrent, puis, après la fuite à Varennes, elle se fait inscrire aux sociétés fraternelles. Les sociétés des deux sexes passent de l'enseignement à l'action. Elles surveillent, dénoncent les fonctionnaires, morigènent le département, publient des adresses. Elles font tout ce que fait le club des Jacobins, mais avec des visées unanimement démocratiques. Au commencement de 1791, la Société des indigents, des deux sexes, s'organise contre la nouvelle aristocratie des riches. L'idée de les fédérer entre elles prend naissance dans le salon Robert Keralio, et en mai 1791, un comité central des sociétés fraternelles, présidé par F. Robert, tente de grouper, sous les auspices des Cordeliers, toutes les forces démocratiques éparses dans les sections de Paris. En juin 1791, elles activent le pétitionnement sectionnaire contre le système du cens et le marque d'argent. Réalisant la fraternité dans les mœurs, elles emploient dès lors le tutoiement et proscrivent les mots de monsieur, madame et mademoiselle. Enfin, ce sont ces sociétés des deux sexes qui fondent le Parti républicain, dont l'inspiratrice au début fut madame Robert, partie née en novembre 1790 et qui s'organisa après la fuite à Varennes. La démocratie, la République, sont nées de cette association fraternelle des citoyens et des citoyennes de Paris. Très influentes dans la cité, quand elles s'associèrent aux hommes pour l'action sociale et politique, en 1790 et en 1791, les femmes ne parurent que bruyantes et désorganisatrices quand elles voulurent plus tard, sous la Convention, agir seules et se grouper surtout entre elles. La Société des citoyennes républicaines révolutionnaires de Paris, fondée en juillet 1793, présidée d'abord par la citoyenne Rousseau, puis par la citoyenne Champion, fut mal vue de la Convention et des Jacobins. La section des marchés dénonça au comité de sûreté générale l'excentricité de quelques-unes de ces femmes qui, habillées en hommes, avec un pantalon et un bonnet rouge, s'étaient promenées, le 28 octobre 1793, au matin, au marché et sous les charniers des innocents. On les accusait d'avoir insulté les autres femmes et voulait les forcer à adopter le même costume. Il y eut des querelles et un attroupement de près de 6 000 femmes. Le surlendemain, Amar vint dire à la Convention que le comité de sûreté générale s'était demandé si les femmes peuvent exercer des droits politiques, prendre une part active aux affaires du gouvernement, délibérer en association politique, et qu'il s'était décidé pour la négative. Puis, traitant à fond la question féministe, Amar défendit gouvernementalement le privilège politique des hommes et proposa d'interdire tous les clubs et sociétés populaires de femmes. Charlier lui répondit, revendiqua pour les femmes le droit de s'assembler paisiblement. « À moins que vous ne contestiez que les femmes font partie du genre humain, dit-il, pouvez-vous leur ôter ce droit commun à tout être pensant ?» Bazir objecta à Charlier la raison d'État, déclara qu'on avait jeté pour un instant le voile sur les principes dans la crainte de l'abus qu'on en pourrait faire pour nous mener à la contre-révolution. Les sociétés de femmes sont-elles dangereuses ? Oui, l'expérience l'a prouvé. La Convention vota le projet de décret présenté par Amar le 30 octobre 1793, 9 Brumaire de l'an 2. Les clubs de femmes furent supprimés. Cet incident et le rapport d'Amar ne suffisent assurément pas pour faire connaître le rôle des femmes et le féminisme après l'établissement de la République. J'ai voulu seulement, par ces quelques notes rapides, indiquer ce que fut le mouvement féministe et aussi quelle place occupèrent les femmes sur la scène politique dans les premières années de la Révolution sous l'Assemblée constituante, et cela sans traiter en elle-même la question si complexe du droit des femmes. Ce mouvement me semble avoir eu une réelle importance historique en ce qu'il fut mêlé aux origines de la démocratie et de la République. Ainsi s'achève « Le féminisme pendant la Révolution française » par François-Alphonse Hollard.